de fric et tout, les pipes, les mauvais jours t'auront pris au piège à leur tour. Et parti pour ce long voyage, la mort te montre son visage. Et 100% adrénaline et tes yeux plongés dans le noir, le bout du vide est juste là. Le film de ta vie défile et là c'est la fin de l'histoire. Cette porte se referme derrière toi. Quelques amours perdus, quelques rêves déçus, c'est tout ce que tu laisseras. La chance qui te sourit, que tu n'as jamais vue, au fond peut-être n'existe pas.